Section 25 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Troisième partie, livre 8e. Ce livre a été écrit en 1839 et revu en décembre 1846. Année de ma vie 1821. Ambassade de Berlin. Arrivée à Berlin, Monsieur Ancillon. Famille royale, fête pour le mariage du grand-duc Nicolas, Société de Berlin, le comte de Humboldt, M. de Chamisseau, ministres et ambassadeurs, la princesse Guillaume, l'opéra, réunion musicale, mes premières dépêches, M. de Bonnet, le parc, la duchesse de Cumberland, mémoire commencée sur l'Allemagne, Charlottenburg, intervalle entre l'ambassade de Berlin et l'ambassade de Londres, baptême de Monsieur le duc de Bordeaux, lettre à Monsieur Pasquier, lettre de Monsieur Bernstorff, lettre à Monsieur Ancillon, dernière lettre de Madame la duchesse de Cumberland, Monsieur de Villèle, ministre des Finances, je suis nommé à l'ambassade de Londres. Je quittai la France, laissant mes amis en possession d'une autorité que je leur avais achetée au prix de mon absence. J'étais un petit lycurgue. Ce qu'il y avait de bon, c'est que le premier essai que j'avais fait de ma force politique me rendait ma liberté. J'allais jouir au dehors de cette liberté dans le pouvoir. Au fond de cette position nouvelle à ma personne, j'aperçois je ne sais quel roman confus parmi des réalités. N'y avait-il rien dans les cours? N'était-elle point des solitudes d'une autre sorte? C'était peut-être des Champs-Élysées avec leurs ombres. Je partis de Paris le 1er janvier 1821. La Seine était gelée, et pour la première fois je courais sur les chemins avec les conforts de l'argent. Je revenais peu à peu de mon mépris des richesses. Je commençais à sentir qu'il était assez doux de rouler dans une bonne voiture, d'être bien servi, de n'avoir à se mêler de rien, d'être devancé par un énorme chasseur de Varsovie, toujours affamé, et qui, au défaut d'exar, aurait à lui seul dévoré la Pologne. Mais je m'habituais vite à mon bonheur. J'avais le pressentiment qu'il durerait peu et que je serais bientôt remis à pied comme il était convenable. Avant d'être arrivé à ma destination, il ne me resta du voyage que mon goût primitif pour le voyage même. Goût d'indépendance, satisfaction d'avoir rompu les attaches de la société. Vous verrez, lorsque je reviendrai de Prague en 1833, ce que je dis de mes vieux souvenirs du Rhin. Je fus obligé, à cause des glaces, de remonter ses rives et de le traverser au-dessus de Mayence. Je ne m'occupai guère de Moguntia, de son archevêque, de ses trois ou quatre sièges et de l'imprimerie par qui cependant je régnais. Francfort, cité de Juifs, ne m'arrêta que pour une de leurs affaires, un change de monnaie. La route fut triste, le grand chemin était neigeux et le givre a pendu aux branches des pins. Iéna m'apparut de loin avec les larves de sa double bataille. Je traversai Erfurt et Weimar. Dans Erfurt, l'empereur manquait. Dans Weimar, habitait Goethe, que j'avais tant admiré et que j'admire beaucoup moins. Le chantre de la matière vivait et sa vieille poussière se modelait encore autour de son génie. J'aurais pu voir Goethe et je ne l'ai point vu. Il laisse un vide dans la procession des personnages célèbres qui ont défilé sous mes yeux. Le tombeau de Luther à Wittenberg ne me tenta point. Le protestantisme n'est en religion qu'une hérésie illogique, en politique qu'une révolution avortée. Après avoir mangé, en passant l'Elbe, un petit pain noir pétri à la vapeur du tabac, j'aurais eu besoin de boire dans le grand verre de Luther, conservé comme une relique. De là, traversant Potsdam et franchissant la Spree, rivière d'encre sur laquelle se traînent des barques gardées par un chien blanc, j'arrivais à Berlin. Là demeura, comme je l'ai dit, le fou Julien dans sa fausse Athènes. Je cherchais en vain le soleil du mont Hymet. J'ai écrit à Berlin le 4e livre de ses mémoires. Vous y avez trouvé la description de cette ville, ma course à Potsdam, mes souvenirs du grand Frédéric, de son cheval, de ses levrettes et de Voltaire. Descendu le 11 janvier à l'auberge, j'allais demeurer ensuite sous les tilleuls dans l'hôtel qu'avait quitté M. le marquis de Bonnet et qui appartenait à Mme la duchesse de Dinau. J'y fus reçu par messieurs de Caux, de Flavigny et de Cussy, secrétaire de la Légation. Le 17 de janvier, j'eus l'honneur de présenter au roi les lettres de récréance de M. le marquis de Bonnet et mes lettres de créance. Le roi, logé dans une simple maison, avait pour toute distinction deux sentinelles à sa porte, entrait qui voulait. On lui parlait s'il était chez lui. Cette simplicité des princes allemands contribue à rendre moins sensibles aux petits le nom et les prérogatives des grands. Frédéric Guillaume allait chaque jour, à la même heure, dans une carriole découverte qu'il conduisait lui-même, casquette en tête, manteau grisâtre sur le dos, fumait son cigare dans le parc. Je le rencontrais souvent et nous continuions nos promenades, chacun de notre côté. Quand il rentrait dans Berlin, la sentinelle de la porte de Brandebourg criait à tue-tête, la garde prenait les armes et sortait, le roi passait, tout était fini. Dans la même journée, je fis ma cour au prince royal et au prince ses frères, jeunes militaires, fort gais. Je vis le grand-duc Nicolas et la grande-duchesse, nouvellement mariés et auxquels on donnait des fêtes. Je vis aussi le duc et la duchesse de Cumberland, le prince Guillaume, frère du roi, le prince Auguste de Prusse, longtemps notre prisonnier. Il avait voulu épouser Madame Récamier. Il possédait l'admirable portrait que Gérard avait fait d'elle et qu'elle avait échangé avec le prince pour le tableau de Corinne. Je m'étais empressé de chercher Monsieur Ancillon. Nous nous connaissions mutuellement par nos ouvrages. Je l'avais rencontré à Paris avec le prince royal, son élève. Il était chargé à Berlin par intérim du portefeuille des affaires étrangères pendant l'absence de M. le comte de Bernstorff. Sa vie était très touchante. Sa femme avait perdu la vue. Toutes les portes de sa maison étaient ouvertes. La pauvre aveugle se promenait de chambre en chambre parmi des fleurs et se reposait au hasard comme un rossignol en cage. Elle chantait bien et mourut tôt. M. Ancillon, de même que beaucoup d'hommes illustres de la Prusse, était d'origine française. Ministre protestant, ses opinions avaient d'abord été très libérales. Peu à peu, il se refroidit. Quand je le retrouvai à Rome en 1828, il était revenu à la monarchie tempérée et il a rétrogradé jusqu'à la monarchie absolue. Avec un amour éclairé des sentiments généreux, il avait la haine et la peur des révolutionnaires. C'est cette haine qui l'a poussé vers le despotisme, afin d'y demander abri. Ceux qui vantent encore 1793 et qui en admirent les crimes ne comprendront-ils jamais combien l'horreur dont on est saisi pour ces crimes est un obstacle à l'établissement de la liberté? Il y eut une fête à la cour et là commencèrent pour moi des honneurs dont j'étais bien peu digne. Jean Bas avait mis pour aller à Versailles un habit de drap d'or doublé de drap d'argent, ce qui le gênait beaucoup. La grande duchesse, aujourd'hui l'impératrice de Russie, et la duchesse de Cumberland choisirent mon bras dans une marche polonaise. Mes romans du monde commençaient. L'air de la marche était une espèce de pot-pourri composé de plusieurs morceaux, parmi lesquels, à ma grande satisfaction, je reconnus la chanson du roi Dagobert. Cela m'encouragea et vint au secours de ma timidité. Ces fêtes se répétèrent. Une d'elles surtout eut lieu dans le grand palais du roi. Ne voulant pas en prendre le récit sur mon compte, je le donne tel qu'il est consigné dans le Morgenblatt de Berlin par Madame la baronne de Hohenhausen. Berlin, le 22 mars 1821. Morgenblatt, feuille du matin, numéro 70. Un des personnages remarquables qui assistait à cette fête était le vicomte de Chateaubriand, ministre de France, et quelle que fût la splendeur du spectacle qui se développait à leurs yeux, les belles berlinoises avaient encore des regards pour l'auteur d'Atala, ce superbe et mélancolique roman où l'amour le plus ardent succombe dans le combat contre la religion. La mort d'Atala et l'heure du bonheur de Chactas, pendant un orage dans les antiques forêts de l'Amérique, dépeint avec les couleurs de Milton, resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous les lecteurs de ce roman. M. de Chateaubriand écrivit Atala dans sa jeunesse péniblement éprouvée par l'exil de sa patrie. De là cette profonde mélancolie et cette passion brûlante qui respire dans l'ouvrage entier. À présent, cet homme d'État consommé avouait uniquement sa plume à la politique. Son dernier ouvrage, La vie et la mort du duc de Berry, et tout à fait écrit dans le ton qu'employaient les panégyristes de Louis XIV. M. de Chateaubriand est d'une taille assez petite et pourtant élancé. Son visage ovale a une expression de piété et de mélancolie. Il a les cheveux et les yeux noirs. Ceci brille du feu de son esprit qui se prononce dans ses traits. « Mais j'ai les cheveux blancs. Pardonnez donc à Madame la baronne de Hohenhausen de m'avoir croqué dans mon bon temps, bien qu'elle m'octroie déjà des années. Le portrait est d'ailleurs fort joli, mais je dois à ma sincérité de dire qu'il n'est pas ressemblant. » L'hôtel sous les tilleuls, Unter den Linden, était beaucoup trop grand pour moi, froid et délabré. Je n'en occupais qu'une petite partie. Parmi mes collègues, ministres et ambassadeurs, le seul remarquable était M. d'Alopeus. J'ai depuis rencontré sa femme et sa fille à Rome auprès de la grande-duchesse Hélène. Si celle-ci eût été à Berlin au lieu de la grande-duchesse Nicolas, sa belle-sœur, j'aurais été plus heureux. M. d'Alopeus, mon collègue, avait la douce manie de se croire adoré. Il était persécuté par les passions qu'il inspirait. « Ma foi, disait-il, je ne sais ce que j'ai. Partout où je vais, les femmes me suivent. Madame d'Alopeus s'est attachée obstinément à moi. » Il eût été excellent saint-simonien. La société privée, comme la société publique, a son allure. Dans la première, ce sont toujours des attachements formés et rompus, des affaires de famille, des morts, des naissances, des chagrins et des plaisirs particuliers, le tout varié d'apparence selon les siècles. Dans l'autre, ce sont toujours des changements de ministres, des batailles perdues ou gagnées, des négociations avec les cours, des rois qui s'en vont, ou des royaumes qui tombent. Sous Frédéric II, électeur de Brandebourg, surnommé « Dent de fer », sous Joachim II, empoisonné par le juif Leopold, sous Jean Sigismond, qui réunit à son électorat le duché de Prusse, sous Georges Guillaume, l'irrésolu, qui, perdant ses forteresses, laissait Gustave Adolphe s'entretenir avec les dames de sa cour et disait « Que faire? Ils ont des canons ». Sous le grand électeur, qui ne rencontra dans ses états que des monceaux de cendres, lesquels empêchaient l'herbe de croître, qui donna audience à l'ambassadeur tartare dont l'interprète avait un nez de bois et les oreilles coupées, sous son fils, premier roi de Prusse, qui, réveillé en sursaut par sa femme, prit la fièvre de peur et en mourut, sous tous ses règnes, les divers mémoires ne laissent voir que les répétitions des mêmes aventures dans la société privée. Frédéric Guillaume Ier, père du grand Frédéric, homme dur et bizarre, fut élevé par Madame de Rocoul, la réfugiée. Il aima une jeune femme qui ne put l'adoucir, son salon fut une tabagie, il nomma le bouffon Gundling, président de l'Académie royale de Berlin, il fit enfermer son fils dans la citadelle de Küstrin, et Couat eut la tête tranchée devant le jeune prince. C'était la vie privée de ce temps. Le grand Frédéric, monté sur le trône, eut une intrigue avec une danseuse italienne, la Barbarini, seule femme dont il s'approcha jamais. Il se contenta de jouer de la flûte la première nuit de ses noces sous la fenêtre de la princesse Élisabeth de Brunswick lorsqu'il l'épousa. Frédéric avait le goût de la musique et la manie des vers. Frédéric et Voltaire troublèrent Madame de Pompadour, l'abbé de Bernice et Louis XV, la margrave de Bayreuth, était mêlé dans tout cela avec de l'amour comme en pouvait avoir un poète. Des cercles littéraires chez le roi, puis des chiens sur des fauteuils malpropres, puis des concerts devant des statues d'Antinous, puis des grands dîners, puis beaucoup de philosophie, puis la liberté de la presse et des coups de bâton, puis enfin un homard ou un pâté d'anguille qui mit fin au jour d'un vieux grand homme, lequel voulait vivre. Voilà de quoi s'occupa la société privée de ce temps de lettres et de batailles. Et nonobstant, Frédéric a renouvelé l'Allemagne, établi un contrepoids à l'Autriche et changé tous les rapports et tous les intérêts politiques de la Germanie. Dans les nouveaux règnes, nous trouvons le palais de marbre, Madame Rietz, avec son fils Alexandre, comte de la Marche, la baronne de Stolzenberg, maîtresse du margrave Schwed, autrefois comédienne, le prince Henri et ses amis suspects, Mademoiselle Voss, rivale de Madame Rietz, une intrigue de bal masqué entre un jeune Français et la femme d'un général prussien, enfin Madame de F, dont on peut lire l'aventure dans l'histoire secrète de la cour de Berlin. Qui sait tous ces noms? Qui se rappellera les nôtres? Aujourd'hui, dans la capitale de la Prusse, c'est à peine si des octogénaires ont conservé la mémoire de cette génération passée. La société à Berlin me convenait par ses habitudes. Entre 5 et 6 heures, on allait en soirée. Tout était fini à 9 et je me couchais tout juste comme si je n'eusse pas été ambassadeur. Le sommeil dévore l'existence et ce qu'il y a de bon. Les heures sont longues et la vie est courte, dit Fénelon. Monsieur Guillaume de Humboldt, frère de mon illustre ami, le baron Alexandre, était à Berlin. Je l'avais connu ministre à Rome. Suspect au gouvernement à cause de ses opinions, il menait une vie retirée. Pour tuer le temps, il apprenait toutes les langues et même tous les patois de la terre. Il retrouvait les peuples, habitants anciens d'un sol, par les dénominations géographiques du pays. Une de ses filles parlait indifféremment le grec ancien ou le grec moderne. Si l'on fût tombé dans un bon jour, on aurait pu deviser à table en sanskrit. Adelbert de Chamisso demeurait au Jardin des Plantes, à quelque distance de Berlin. Je le visitais dans cette solitude où les plantes gelaient en serre. Il était grand, d'une figure assez agréable. Je me sentais un attrait pour cet exilé voyageur comme moi. Il avait vu ces mers du pôle où je m'étais flatté de pénétrer. Émigré comme moi, il avait été élevé à Berlin en qualité de page. Adelbert, parcourant la Suisse, s'arrêta un moment à Copé. Il se trouva dans une partie sur le lac où il pensa périr. Il écrivait ce jour-là même « Je vois bien qu'il faut chercher mon salut sur les grandes mers ». Monsieur de Chamisso avait été nommé par Monsieur de Fontane professeur à Napoléonville, puis professeur de grec à Strasbourg. Il repoussa l'offre par ses nobles paroles. La première condition pour travailler à l'instruction de la jeunesse est l'indépendance. Bien que j'admire le génie de Bonaparte, il ne peut me convenir. Il refusa de même les avantages que lui offrait la Restauration. « Je n'ai rien fait pour les Bourbons, disait-il, et je ne puis recevoir le prix des services et du sang de mes pères. Dans ce siècle, chaque homme doit pourvoir à son existence. » On conserve dans la famille de M. de Chamisso ce billet écrit au temple de la main de Louis XVI. « Je recommande M. de Chamisso, un de mes fidèles serviteurs, à mes frères. » Le roi martyr avait caché ce petit billet dans son sein pour le faire remettre à son premier page, Chamisso, oncle d'Adelbert. L'ouvrage le plus touchant, peut-être, de cet enfant des muses, caché sous les armes étrangères et adopté des bardes de la Germanie, ce sont ces vers qu'il fit d'abord en allemand et qu'il traduisit en vers français sur le château de Boncourt, sa demeure paternelle. Je rêve encore à mon jeune âge, sous le poids de mes cheveux blancs. Tu me poursuis, fidèle image, et renais sous la faux du temps. Du sein d'une mer de verdure s'élève ce noble château. Je reconnais et sa toiture et ses tours avec ses créneaux. Ces lions de nos armoiries ont encore leur regard d'amour. Je vous souris, garde chérie, et je m'élance dans la cour. Voilà le sphinx à la fontaine. Voilà le figuier verdoyant, là s'épanouit l'ombre vaine des premiers songes de l'enfant. De mon aïeul dans la chapelle, je cherche et revois le tombeau. Voilà la colonne à laquelle pendent ses armes en faisceau. Ce marbre que le soleil dort et ses caractères pieux, non, je ne puis les lire encore. Un voile humide est sur mes yeux. Fidèle château de mes pères, je te retrouve tout en moi. Tu n'es plus. Superbe, naguère, la charrue a passé sur toi. Sol que je chéris, sois fertile, je te bénis d'un cœur serein. Bénis, quel qu'il soit, l'homme utile, dont le soc sillonne ton sein. Chamisso bénit le laboureur qui laboure le sillon dont il a été dépouillé. Son âme devait habiter les régions où planait mon ami Joubert. Je regrette Combourg, mais avec moins de résignation. Bien qu'il ne soit pas sorti de ma famille. Embarqué sur le vaisseau armé par le comte de Romanzoff, M. de Chamisso découvrit, avec le capitaine Kotzebue, le détroit à l'est du détroit de Béring, et donna son nom à l'une des îles d'où Cook avait entrevu la côte de l'Amérique. il retrouva au Kamtchatka le portrait de Madame Récamier sur porcelaine et le petit conte Peter Schlemihl traduit en hollandais. Le héros d'Aldebert, Peter Schlemihl, avait vendu son ombre au diable. J'aurais mieux aimé lui vendre mon corps. Je me souviens de Chamisso comme du souffle insensible qui faisait légèrement fléchir la tige des brandes que je traversais en retournant à Berlin. D'après un règlement de Frédéric II, les princes et princesses du sang, à Berlin, ne voient pas le corps diplomatique. Mais, grâce au carnaval, au mariage du duc de Cumberland avec la princesse Frédérique de Prusse, sœur de la feu reine, grâce encore à une certaine inflexion d'étiquette que l'on se permettait, disait-on, à cause de ma personne, j'avais l'occasion de me trouver plus souvent que mes collègues avec la famille royale. Comme je visitais de fois à autre le grand palais, j'y rencontrais la princesse Guillaume. Elle se plaisait à me conduire dans les appartements. Je n'ai jamais vu un regard plus triste que le sien. Dans les salons inhabités derrière le château, sur la Sprée, elle me montrait une chambre hantée à certains jours par une dame blanche, et en se serrant contre moi avec une certaine frayeur, elle avait l'air de cette dame blanche. De son côté, la duchesse de Cumberland me racontait qu'elle et sa sœur, la reine de Prusse, toutes deux encore très jeunes, avaient entendu leur mère, qui venait de mourir, leur parler sous ses rideaux fermés. Le roi, en présence duquel je tombais en sortant de mes visites de curieux, me menait à ses oratoires. Il m'en faisait remarquer les crucifix et les tableaux, et rapportait à moi l'honneur de ses innovations, parce qu'ayant lu, me disait-il, dans le génie du christianisme, que les protestants avaient trop dépouillé leur culte, il avait trouvé juste ma remarque. Il n'était pas encore arrivé à l'excès de son fanatisme luthérien. Le soir, à l'opéra, j'avais une loge auprès de la loge royale, placée en face du théâtre. Je causais avec les princesses. Le roi sortait dans les entractes, je le rencontrais dans le corridor, il regardait si personne n'était autour de nous et si l'on ne pouvait nous entendre. Il m'avouait alors tout bas sa détestation de Rossini et son amour pour Gluck. Il s'étendait en lamentation sur la décadence de l'art et surtout sur ses gargarismes de notes destructeurs du chant dramatique. Il me confiait qu'il n'osait dire cela qu'à moi, à cause des personnes qui l'environnaient. Voyait-il venir quelqu'un, il se hâtait de rentrer dans sa loge. Je vis jouer la Jeanne d'Arc de Schiller. La cathédrale de Reims était parfaitement imitée. Le roi, sérieusement religieux, ne supportait qu'avec peine sur le théâtre la représentation du culte catholique. Monsieur Spontini, l'auteur de la Vestale, avait la direction de l'opéra. Madame Spontini, fille de Monsieur Erard, était agréable, mais elle semblait expier la volubilité du langage des femmes par la lenteur qu'elle mettait à parler. Chaque mot divisé en syllabes expirait sur ses lèvres. Si elle avait voulu vous dire « je vous aime », l'amour d'un Français aurait pu s'envoler entre le commencement et la fin de ces trois mots. Elle ne pouvait pas finir mon nom et n'arrivait pas au bout sans une certaine grâce. Une réunion publique musicale avait lieu 2 ou 3 fois la semaine. Le soir, en revenant de leur ouvrage, de petites ouvrières, leurs paniers au bras, des garçons ouvriers portant les instruments de leur métier, se pressaient pêle-mêle dans une salle. On leur donnait, en entrant, un feuillet noté et ils se joignaient au chœur général avec une précision étonnante. C'était quelque chose de surprenant que ces 200 ou 300 voix confondues. Le morceau fini, chacun reprenait le chemin de sa demeure. Nous sommes bien loin de ce sentiment de l'harmonie, moyen puissant de civilisation. Il a introduit dans la chaumière des paysans de l'Allemagne une éducation qui manque à nos hommes rustiques. Partout où il y a un piano, il n'y a plus de grossièreté. Vers le 13 de janvier, j'ouvris le cours de mes dépêches avec le ministre des Affaires étrangères. Mon esprit se plie facilement à ce genre de travail. Pourquoi pas? Dante, Arioste et Milton n'ont-ils pas aussi bien réussi en politique qu'en poésie? Je ne suis sans doute ni Dante, ni Arioste, ni Milton. L'Europe et la France ont vu néanmoins par le congrès de Vérone ce que je pouvais faire. Mon prédécesseur à Berlin me traitait en 1816 comme il traitait M. de Lamette dans ses petits vers au commencement de la Révolution. Quand on est si aimable, il ne faut pas laisser derrière soi de registre, ni avoir la rectitude d'un commis quand on n'a pas la capacité d'un diplomate. Il arrive dans les temps où nous vivons qu'un coup de vent envoie dans votre place celui contre lequel vous vous étiez élevé. Et comme le devoir d'un ambassadeur est d'abord de connaître les archives de l'ambassade, voilà qu'il tombe sur les notes où il est arrangé de main de maître. Que voulez-vous ? Ces esprits profonds, qui travaillaient au succès de la bonne cause, ne pouvaient pas penser à tout. Extrait des registres de Monsieur de Bonnet, numéro 64, 22 novembre 1816. Les paroles que le roi a adressées au bureau nouvellement formé de la Chambre des Pairs ont été connues et approuvées de toute l'Europe. On m'a demandé s'il était possible que des hommes dévoués au roi, que des personnes attachées à sa personne et occupant des places dans sa maison ou dans celle de nos princes, eussent pu en effet donner leur suffrage pour porter M. de Chateaubriand à la secrétairerie. Ma réponse a été que le scrutin étant secret, personne ne pouvait connaître les votes particuliers. « Ah ! S'est écrié un homme principal, si le roi pouvait en être assuré, j'espère que l'accès des Tuileries serait aussitôt fermé à ses serviteurs infidèles. J'ai cru que je ne devais rien répondre, et je n'ai rien répondu. » 15 octobre 1816. Il en sera de même, monsieur le duc, de la mesure du 5 et de celle du 20 septembre. L'une et l'autre ne trouvent en Europe que des approbateurs. Mais ce qui étonne, c'est de voir que de très purs et très dignes royalistes continuent de se passionner pour M. de Chateaubriand malgré la publication d'un livre qui établit en principe que le roi de France, en vertu de la charte, n'est plus qu'un être moral, essentiellement nul et sans volonté propre. Si tout autre que lui avait avancé une pareille maxime, les mêmes hommes, non sans apparence de raison, l'auraient qualifié de jacobin. « Me voilà bien remis à ma place !» C'est du reste une bonne leçon. Cela rabat notre orgueil en nous apprenant ce que nous deviendrons après nous. Par les dépêches de M. de Bonnet et par celles de quelques autres ambassadeurs appartenant à l'Ancien Régime, il m'a paru que ces dépêches traitaient moins des affaires diplomatiques que des anecdotes relatives à des personnages de la société et de la cour. Elles se réduisaient à un journal louangeur de Dangeau ou satirique de Talmont. Aussi, Louis XVIII et Charles X aimaient-ils beaucoup mieux les lettres amusantes de mes collègues que ma correspondance sérieuse. J'aurais pu rire et me moquer comme mes devanciers, mais le temps où les aventures scandaleuses et les petites intrigues se liaient aux affaires était passé. Quel bien aurait-il résulté pour mon pays du portrait de M. de Hardenberg, beau vieillard blanc comme un cygne, sourd comme un pot, allant à Rome sans permission, s'amusant de trop de choses, croyant à toutes sortes de rêveries, livré en dernier lieu au magnétisme entre les mains du docteur Koreff, que je rencontrais à cheval trottant dans les lieux écartés entre le diable, la médecine et les muses. Ce mépris pour une correspondance frivole me fait dire à M. Pasquier dans ma lettre du 13 février 1821, numéro 13, « Je ne vous ai point parlé, monsieur le baron, selon l'usage, des réceptions, des bals, des spectacles, etc. Je ne vous ai point fait de petits portraits et d'inutiles satires. J'ai tâché de faire sortir la diplomatie du commérage. Le règne du commun reviendra lorsque le temps extraordinaire sera passé. Aujourd'hui, il ne faut peindre que ce qui doit vivre et n'attaquer que ce qui menace. » Berlin m'a laissé un souvenir durable. Parce que la nature des récréations que j'y trouvais me reporta au temps de mon enfance et de ma jeunesse. Seulement, des princesses très réelles remplissaient le rôle de ma sylphide. De vieux corbeaux, mes éternels amis, venaient se percher sur les tilleuls devant ma fenêtre. Je leur jetais à manger. Quand ils avaient saisi un morceau de pain trop gros, ils le rejetaient avec une adresse inimaginable pour en saisir un plus petit, de manière qu'il pouvait en prendre un autre, un peu plus gros, et ainsi de suite jusqu'au morceau capital qui, à la pointe de leur bec, le tenait ouvert, sans qu'aucune des couches croissantes de la nourriture pût tomber. Le repas fait, l'oiseau chantait à sa manière « Cantus cornicum ut secla vetusta ». J'errais dans les espaces déserts de Berlin glacé, mais je n'entendais pas sortir de ces murs, comme des vieilles murailles de Rome, de belles voix de jeunes filles. Au lieu de capucins à barbe blanche traînant leurs sandales parmi des fleurs, je rencontrais des soldats qui roulaient des boules de neige. Un jour, au détour de la muraille d'enceinte, Hyacinthe et moi, nous nous trouvâmes nez à nez avec un vent d'est si perçant que nous fûmes obligés de courir dans la campagne pour regagner la ville à moitié mort. Nous franchîmes des terrains enclos et tous les chiens de garde nous sautaient aux jambes en nous poursuivant. Le thermomètre descendit ce jour-là à 22 degrés au-dessous de glace. Un ou deux factionnaires à Potsdam furent gelés. De l'autre côté du parc était une ancienne faisanderie abandonnée. Les princes de Prusse ne chassent point. Je passais un petit pont de bois sur un canal de la Spree et je me trouvais parmi les colonnes de sapins qui faisaient le portique de la faisanderie. Un renard, en me rappelant ceux du mail de Combourg, sortait par un trou pratiqué dans le mur de la réserve, venait me demander de mes nouvelles et se retirait dans son taillis. Ce qu'on nomme le parc à Berlin est un bois de chênes, de bouleaux, de hêtres, de tilleuls et de blancs de Hollande. Il est situé à la porte de Charlottenburg et traversé par la grande route qui mène à cette résidence royale. À droite du parc est un champ de mars, à gauche des guinguettes. Dans l'intérieur du parc, qui n'était pas alors percé d'allées régulières, on rencontrait des prairies, des endroits sauvages et des bancs de hêtres sur lesquels la jeune Allemagne avait naguère gravé avec un couteau des cœurs percés de poignards. Sous ces cœurs poignardés, on lisait le nom de Sand. Des bandes de corbeaux habitant les arbres aux approches du printemps commencèrent à ramager. La nature vivante se ranimait avant la nature végétale et des grenouilles toutes noires étaient dévorées par des canards dans les eaux çà et là dégelées. Ces rossignols-là ouvraient le printemps dans les bois de Berlin. Cependant, le parc n'était pas sans quelques jolis animaux. Des écureuils circulaient sur les branches ou se jouaient à terre en se faisant un pavillon de leur queue. Quand j'approchais de la fête, les acteurs remontaient le tronc des chênes, s'arrêtaient dans une fourche et grognaient en me voyant passer au-dessous d'eux. Peu de promeneurs fréquentaient la futaie dont le sol inégal était bordé et coupé de canaux. Quelquefois, je rencontrais un vieil officier goutteux qui me disait, tout réchauffé et tout réjoui, en me parlant du pâle rayon de soleil sous lequel je grelottais, « ça pique ». De temps en temps, je trouvais le duc de Cumberland, à cheval et presque aveugle, arrêté devant un blanc de Hollande contre lequel il était venu se cogner le nez. Quelques voitures attelées de 6 chevaux passaient. Elles portaient ou l'ambassadrice d'Autriche, ou la princesse de Radziwill et sa fille, âgée de 15 ans, charmante comme une de ces nues à figure de vierge qui entoure la lune d'Ossillon. La duchesse de Cumberland faisait presque toujours la même promenade que moi. Tantôt elle revenait de secourir dans une chaumière une pauvre femme de Spandau, tantôt elle s'arrêtait et me disait gracieusement qu'elle avait voulu me rencontrer. Aimable fille des trônes, descendue de son char comme la déesse de la nuit pour errer dans les forêts. Je la voyais aussi chez elle. Elle me répétait qu'elle me voulait confier son fils, ce petit Georges, devenu le prince que sa cousine Victoria aurait, dit-on, désiré placer à ses côtés sur le trône de l'Angleterre. La princesse Frédérique a traîné depuis ses jours au bord de la Tamise, dans ces jardins de Kew qui me virent jadis serrée entre mes deux acolytes, l'illusion et la misère. Après mon départ de Berlin, elle m'a honoré d'une correspondance. Elle y peint d'heure en heure la vie d'un habitant de ces bruyères, où passa Voltaire, où mourut Frédérique, où se cacha ce Mirabeau qui devait commencer la révolution dont je fus la victime. L'attention est captivée en apercevant les anneaux par qui se touchent tant d'hommes inconnus les uns aux autres. Fin de la section 25.